Parce qu'à mes yeux, si les religions organisées sont sataniques, c'est pour des raisons de domination par l'âme et la mémoire. Puis si les gouvernements sont lucifériens, c'est pour d'autres raisons. Mais à mes yeux, prenez, nous sommes assujettis au niveau de notre propre corps par des forces animaliennes, ensuite par à notre âme, au niveau de notre âme par des forces sataniques, puis après ça, au niveau de notre esprit par des forces luciférienne. On est empêché tout le temps. C'est normal que l'intelligence réelle se manifeste par de la colère et de la frustration jusqu'à un certain sens quand on est encore dans la personnalité puis dans l'ego. C'est au niveau le vital, l'émotif, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est certain que cette trinité-là inversée, il va falloir qu'il se reflète dans le miroir d'un ego à pacifier. À un moment donné, il faut que ça éclate. Puis, c'est bien correct. Donc,